Melmoth ou l'Amiran, de Robert-Charles Mathurin, 7e partie, Histoire des amants. Dans une province de ce pays appelé Shropshire, était situé le château de Mortimer, demeure d'une famille qui prouvait sa noblesse depuis le temps de la conquête des Normands, sans avoir jamais hypothéqué un seul arpent de terre, ou coupé un seul arbre de haute futaie, ou battu une seule fois la chamade dans le cours de 5 siècles. Il est certain que la famille de Mortimer, par son pouvoir, son ascendance et richesse immense et son esprit indépendant, s'était rendue tour à tour formidable à tous les partis qui avaient possédé ou recherché la puissance souveraine en Angleterre. À l'époque de la Réformation, Sir Roger Mortimer, descendant de cette illustre famille, embrassa vivement la cause des réformateurs, et il y fut peut-être autant poussé par son attachement à son prince que par le sentiment de sa conscience. Durant le court règne d'Édouard, sa famille fut protégée et caressée. Mais sous celui de Marie, elle fut opprimée, menacée. Elle éprouva des confiscations, et le pieux Sir Edmond, successeur de Sir Roger, après avoir vu deux de ses domestiques périr sur le bûcher, ne sauva qu'avec peine sa propre vie. À quelque cause que Sir Edmond dut sa sûreté, il n'en jouit pas longtemps. Les scènes affreuses dont il avait été témoin attaquèrent sa santé. Il se retira dans son château de Mortimer et y mourut oublié. Son successeur, pendant le règne de la reine Élisabeth, défendit fortement les droits des réformateurs et murmura quelquefois contre ceux de la prérogative royale. Sous Jacques Ier, les Mortimer jouèrent un rôle encore plus marquant. L'influence des puritains augmentait de jour en jour. Sir Arthur partageait la haine qu'ils inspiraient au roi et ne prévoyait que trop les troubles auxquels cette secte donnerait lieu, quoiqu'il ne vécut pas assez longtemps pour en être témoin. Son fils, Sir Roger Mortimer, était aussi inébranlable dans son orgueil que dans ses principes. Il fut le zélé défenseur de l'Aude et l'ami intime de l'infortuné Stratford. Quand la guerre éclata entre le roi et le Parlement, Sir Roger embrassa la cause royale de cœur et d'action. 500 de ses vassaux, équipés à ses frais, assistèrent aux batailles d'Edgehill Hill et de Marston Moor. Il avait perdu sa femme, mais sa sœur, Mademoiselle Anne Mortimer, présidait à sa maison. Remarquable par sa beauté, son esprit et la dignité de son caractère, elle n'était pas moins attachée que son frère à la cause de la cour, dont elle avait été autrefois le plus bel ornement, et à laquelle elle avait rendu de grands services par ses talents, son courage et son acquis. Le temps arriva cependant où la valeur et le rang, la fidélité et la beauté devaient voir également échouer leurs efforts. Des 500 braves que Sir Roger avait fait entrer en campagne pour son souverain, il n'en ramena dans son château que 30 vétérans blessés et mutilés. Et cela après que le roi Charles se fut décidé à se remettre dans les mains des Écossais, mécontents et mercenaires, qui le vendirent au Parlement pour les arrérages de leurs soldes. Le règne de la rébellion ne tarda pas à commencer, et Sir Roger, royaliste distingué, en éprouva personnellement tous les fléaux. Séquestres et compositions, amendes pour malveillance, et emprunts forcés pour l'appui d'une cause qu'il détestait, épuisèrent les coffres et abattirent le courage du vieux royaliste. Des peines domestiques se joignirent au reste de ses chagrins. Il avait 3 enfants. Son fils aîné, qui avait péri en combattant pour son roi à la bataille de Newbury, laissa une fille en bas âge, que l'on regardait alors comme l'héritière de biens immenses. Son second fils avait embrassé la cause des puritains, et tombant d'erreur en erreur, il avait fini par épouser la fille d'un indépendant, dont il adopta même la croyance, selon la coutume du temps. Il combattait le jour à la tête de son régiment et prêchait toute la nuit, se conformant ainsi strictement aux versets du psaume « Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et l'épée à deux tranchants dans leurs mains ». Mais ce double exercice de l'épée et de la parole surpassa les forces du saint militant. Un jour, à l'issue d'un combat où il s'était échauffé, il fit en plein air un sermon qui dura près de 2 heures, ce qui lui occasionna une pleurésie qui l'emporta en 3 jours. Ainsi que son frère, il laissa une fille qui était restée avec sa mère par qui elle fut élevée. La douleur que Sir Roger éprouva à la mort de ses 2 fils fut amortie à peu près au même degré, mais par des raisons bien différentes. La cause qui avait coûté la vie au premier lui offrit une ample consolation, tandis que celle qu'avait embrassée l'apostat, nom que le second avait reçu de son père, ne lui permit pas de ressentir de bien vifs regrets de sa perte. Aussi, quand ses amis voulurent s'affliger avec lui de la mort de son fils aîné, il leur dit « Ce n'est pas celui-là, c'est l'autre qu'il faut pleurer ». Mais les larmes qu'il répandait avaient à cette époque une autre cause encore. Il n'avait qu'une fille, qui, pendant son absence et en dépit de la vigilance de Mademoiselle Anne, s'était laissée engager par les domestiques puritains d'une famille du voisinage, à assister au sermon d'un prédicateur indépendant nommé Sandal. Il était sergent dans le régiment du colonel Pride, et dans les intervalles de ses exercices militaires, il débitait ses exhortations dans une grange. Cet homme était né orateur et avait naturellement beaucoup d'enthousiasme. Selon la coutume de son siècle, il avait pris une phrase entière pour prénom et s'était par conséquent appelé « Tu n'es pas digne de délier les cordons de ses souliers, Sandal ». Ce fut aussi le texte du sermon qu'il prêcha la première fois que la fille de Sir Roger Mortimer l'entendit. Et son éloquence eut tant d'effet sur elle qu'oubliant la dignité de sa naissance et le royalisme de sa famille, elle unit son sort à celui de cet homme de basse extraction. Cependant, Sandal n'était pas si ferme dans ses opinions religieuses qu'il n'embrassa tour à tour celles de presque toutes les sectes qui se partageaient à cette époque dans l'Angleterre. Il suivit le célèbre Hugh Peters, le quitta pour se faire antinomien, puis millénaire, puis enfin caméronien, traînant partout sa femme avec lui jusqu'à ce qu'enfin il mourût, laissant un fils unique. Sir Roger annonça à sa fille qu'il était irrévocablement résolu à ne plus la revoir, mais il promit de prendre soin de son enfant, si elle voulait le lui confier. Les finances de la veuve Sandal ne lui permirent pas de refuser l'offre du père qu'elle avait abandonné. C'est ainsi que les 3 petits-enfants de Sir Roger, nés sous des auspices si différents, se trouvèrent dans leur tendre jeunesse réunis au château de Mortimer. Margaret Mortimer, fille du fils aîné, belle, spirituelle, courageuse, avait hérité de la fierté, des principes aristocratiques et de toutes les richesses qui restaient à sa famille. Éléonore Mortimer, fille de l'apostat, était plutôt soufferte qu'accueillie dans le château. Elle avait été élevée dans les idées les plus sévères de ses parents indépendants. Enfin, John Sandal, fils de la fille repoussée, n'avait été admis chez Sir Roger qu'à condition qu'il s'attacherait à la fortune de la famille royale, alors bannie et persécutée. En conséquence, son aïeul avait renoué sa correspondance avec quelques émigrés alors en Hollande, afin qu'ils obtinssent une place pour son protégé, qu'en empruntant le langage des prédicateurs puritains. Il disait être un tison enlevé aux flammes. Telle était la position des habitants du château, quand ils reçurent la nouvelle des heureux efforts de Monk en faveur de la famille royale. Le succès en fut rapide. La restauration eut lieu peu de jours après, et la famille de Mortimer jouissait d'une si grande considération qu'un express fut expédié de Londres pour lui en porter la vie. Il arriva pendant que Sir Roger, qui avait été obligé de renvoyer son chapelain parce qu'il avait excité les soupçons du parti triomphant, lisait lui-même la prière à sa famille. Le retour et le rétablissement de Charles II lui fut annoncé. Le vieux royaliste, qui était à genoux, se leva, secoua son bonnet dont il avait respectueusement dépouillé sa tête blanchie, et changeant tout à coup son ton suppliant pour des accents de triomphe, il s'écria « C'est maintenant, Seigneur, que vous laisserez mourir en paix votre serviteur selon votre parole, puisque mes yeux ont vu le Sauveur que vous nous donnez. » En parlant, le vieillard tomba sur le coussin que Mademoiselle Anne avait posé sous ses genoux. Ses petits-enfants se levèrent pour le soutenir. Il était trop tard. Son âme s'était envolée dans sa dernière exclamation. La nouvelle qui fut la cause de la mort du vieux Sir Roger fut le signal et le gage du rétablissement de cette antique famille dans ses honneurs et ses richesses. Faveur, remise d'amende, restitution de terres et d'effets, offre de pension, récompense, en un mot, tout ce qu'une reconnaissance royale dans le moment de l'enthousiasme peut donner, vint pleuvoir sur la famille avec plus de promptitude que les amendes, les confiscations et les séquestres ne l'avaient accablé sous le règne de l'usurpateur. Ainsi, Mademoiselle Marguerite Mortimer fut de nouveau reconnue en qualité de noble et opulente héritière du château. Elle reçut de nombreuses invitations pour se rendre à la cour, mais elle les rejeta tout en disant à sa tante « C'est du haut de ces tours que mon aïeul conduisit ses vassaux et ses fermiers au secours de son roi. C'est vers ces tours qu'il ramena ceux que la guerre avait épargnés, quand la cause royale parut à jamais perdue. C'est ici qu'il a vécu et qu'il est mort pour son souverain. C'est ici que je veux vivre et mourir. Je sens que je serai plus utile à sa majesté en résidant dans mes terres et en protégeant mes vassaux qu'en fréquentant les promenades de Londres et les bals de la cour. » En parlant, Mademoiselle Marguerite reprenait sa tapisserie et Mademoiselle Anne la regardait avec des yeux qui disaient plus que des paroles. Quand il fut bien décidé que Mademoiselle Marguerite n'irait point à Londres, la famille reprit ses anciennes habitudes d'une noble régularité, telle qu'il convenait à une maison magnifique et bien ordonnée, à la tête de laquelle se trouvait une jeune personne illustre. Mais cette régularité était sans rigueur et sans apathie. Les esprits de ces nobles dames étaient trop accoutumés à de hautes pensées et à des images de grandeur pour que la solitude leur causât de l'ennui ou du chagrin. Je crois les voir encore telles que je les vis une fois. Elles occupaient un appartement vaste, mais d'une forme irrégulière, boisé en chêne, richement sculpté et noir comme l'ébène. Mademoiselle Anne Mortimer était assise dans l'embrasure d'une fenêtre, dont les carreaux supérieurs offraient, richement coloriés, les armes des Mortimer et quelques hauts faits des héros de la famille. Sur ses genoux, elle tenait un livre, qu'elle prisait beaucoup, « L'histoire des martyrs » de Taylor. Son œil y restait attentivement fixé, et la lumière, passant à travers les vitraux peints, répandait sur ses pages un éclat d'or, d'azur et de vermillon, qui lui donnait l'apparence du missel le plus richement orné de miniatures. Non loin d'elle, ses deux petites nièces travaillaient à des ouvrages d'aiguilles, et leur conversation était aussi instructive qu'intéressante. Elles parlaient des pauvres qu'elles avaient visités et secourus, des récompenses qu'elles avaient distribuées parmi les ouvriers industrieux et économes, des livres qu'elles avaient étudiés et dont la bibliothèque bien fournie leur offrait une ample collection. Sir Roger avait également cultivé les lettres et les armes. Il avait coutume de dire qu'il tenait à avoir un riche arsenal en temps de guerre et une riche bibliothèque en temps de paix. Aussi, tous les malheurs qu'il éprouva pendant les dernières années de sa vie ne l'empêchèrent-ils pas d'augmenter la sienne tous les ans? Ses petites filles, dont il avait surveillé lui-même l'éducation, lisaient couramment le latin et le français. Elles connaissaient à fond la littérature de ces deux langues, ainsi que celle de leur langue maternelle. Leur retraite se trouvait donc charmée par les agréments qui résultent du mélange judicieux des occupations utiles avec les goûts littéraires. Mademoiselle Anne Mortimer servait de commentaire vivant à tout ce qu'elle lisait et à toutes leurs conversations. La sienne riche en anecdotes, exacte jusqu'à devenir parfois minutieuse, s'élevait jusqu'à l'éloquence la plus haute quand elle racontait les faits des temps passés. Ses nièces y trouvaient alors, réunies, l'instruction de l'histoire et le charme de la poésie. Mais c'était quand elle parlait des événements dont elle avait été elle-même témoin que ses discours devenaient attachants. Mademoiselle Anne Mortimer avait beaucoup à conter, et comptait bien. Elle peignait, avec les couleurs les plus vives, tous les détails de la guerre civile. Elle parlait du jour où elle était montée en croupe derrière son frère, Sir Roger, pour aller à la rencontre du roi à Shrewsbury. Et elle répétait presque les cris qui retentirent dans cette ville fidèle quand on vit arriver la vaisselle que l'université d'Oxford envoyait à la monnaie pour être consacrée au service du roi. De toutes ces anecdotes historiques, celle auxquelles mademoiselle Anne mettait le plus de prix était celle qui intéressait sa propre famille. Elle parlait de la vertu et de la valeur de son frère Sir Roger avec une onction qui se communiquait à ses auditeurs. Et Éléonore elle-même, nonobstant le puritanisme dans lequel elle avait été élevée, pleurait en l'écoutant. L'histoire qu'elle se plaisait surtout à répéter était celle de la nuit que le roi avait passée dans le château. Sir Roger était absent. Elle y était seule avec sa mère Lady Mortimer, alors âgée de 74 ans. Le roi arriva déguisé. Milady fit ce qu'elle put pour le bien recevoir. Elle étendit sur son lit son plus riche manteau de velours, doublé d'hermine en guise de courtepointe. Puis, se rendant à l'arsenal, elle distribua à ses domestiques les armes qu'elle y trouva, en les suppliant, par tout ce qu'ils avaient de plus sacré, de bien défendre leur roi. Une bande de fanatiques, après avoir pillé l'église voisine, arriva devant le château et demanda à grands cris l'homme. Lady Mortimer pria un jeune officier français qui servait dans le corps du prince Robert et qui était logé militairement au château depuis 2 jours, d'en prendre le commandement. Ce jeune homme, âgé seulement de 17 ans, fit des prodiges de valeur, mais n'ayant pu empêcher les ennemis de pénétrer dans le vestibule, il vint mourir au pied du fauteuil de Lady Mortimer en disant « J'ai fait mon devoir ». Dans l'intervalle, le roi s'était sauvé sur le meilleur cheval des écuries de Milady. Et les rebelles, après avoir parcouru le château dans tous les sens, n'y trouvant point le prince qu'ils cherchaient, furent si furieux qu'ils amenèrent une pièce de canon dans le vestibule, menaçant d'y mettre le feu, ce qui aurait fait écrouler la plus grande partie du château. Lady Mortimer regardait tout avec le plus grand sang-froid. Mais s'étant aperçu que l'on avait par hasard pointé le canon précisément contre la porte par laquelle le roi s'était sauvé, elle se leva sur le champ. Et se mettant devant la bouche, elle s'écria « Pas par là, vous ne tirerez pas de ce côté !» Et en parlant, elle tomba morte de saisissement. Telle était la glorieuse et touchante relation que mademoiselle Anne faisait en montrant du doigt les divers lieux où chaque fait s'était passé, et qui tirait constamment des larmes de douleur et d'admiration des yeux de tous ceux qui l'écoutaient. Mais elle ne se bornait pas à des récits guerriers. Parfois aussi, elle peignait les fêtes de la cour et nommait les principales beautés dont les charmes inspirèrent les chants des poètes du siècle, et surtout de l'aimable Walter. Souvent, aux réticences qu'elle se permettait, on devinait que parmi ces beautés, mademoiselle Anne Mortimer elle-même n'avait pas joué le rôle le moins remarquable. Marguerite et Éléonore l'écoutaient avec un intérêt égal, quoiqu'avec des sentiments bien différents. Marguerite, belle, vive, hautaine et généreuse, ressemblant pour le physique et pour le caractère à son aïeul et à sa tante, aurait pu écouter sans cesse des récits de ce genre, car il confirmait ses principes. Il consacrait en quelque manière les sentiments dont son cœur était rempli, et faisait de son enthousiasme une sorte de vertu à ses yeux. Le royalisme et l'Église anglicane étaient pour elle des conditions indispensables du juste et de l'honnête. Éléonore, au contraire, élevée au sein des discussions populaires, s'était accoutumée de bonne heure à voir parmi les hommes des opinions différentes et des principes opposés. Depuis son admission sous le toit de son aïeul, elle avait acquis encore plus d'humilité et de patience. Forcée d'entendre décrier les opinions auxquelles elle était attachée et les hommes qu'elle respectait, elle gardait le silence de la réflexion, et elle finit par conclure qu'il y avait eu indubitablement beaucoup de vertus de part et d'autre, que de grandes et de nobles qualités devaient se rencontrer dans les deux parties, puisque tous deux avaient offert de vastes génies et des hommes d'une grande énergie. Malgré l'influence de son éducation primitive, Éléonore savait apprécier les avantages de sa résidence dans le château de son aïeul. Elle aimait la littérature et la poésie. Elle avait de l'imagination et de l'enthousiasme, et elle s'y livrait en liberté, soit qu'elle parcourût les scènes pittoresques de la nature dans les campagnes environnantes, soit qu'elle prêta l'oreille aux récits chevaleresques des habitants du château. Les tableaux qui l'entouraient étaient bien différents de ceux dont elle avait été témoin dans son enfance. Les chambres tristes et étroites, privées de toute espèce d'ornement, les vêtements bizarres, les visages austères, le langage menaçant, la fureur polémique de ceux qui les habitaient, lui avaient inspiré des sentiments qu'elle se reprochait sans chercher à les bannir. Quoique irrévocablement attachée au calvinisme dans le cœur et saisissant toutes les occasions d'écouter des sermons des prédicateurs non conformistes, elle avait adopté dans sa conduite les goûts littéraires et la noble politesse qui convenaient à la descendante des Mortimer. Le genre de beauté d'Éléonore, quoique différent de celui de sa cousine, était cependant fort remarquable. Celle de Marguerite était noble et triomphante. Chacun de ses mouvements offrait une grâce dont elle semblait intérieurement convaincue. Chaque regard exigeait un hommage et l'obtenait à l'instant même. Éléonore était pâle, contemplative et touchante. Ses cheveux étaient noirs comme du jais. Les milliers de boucles qu'il formait, d'après la mode du temps, semblaient toutes avoir été tournée par la main de la nature, et lorsqu'en secouant la tête, elle découvrait ses yeux, on eût dit deux étoiles brillant au milieu des ombres de la nuit. Elle portait de riches vêtements, car sa tante, Mademoiselle Anne, le voulait ainsi. Jamais rien, même au sein de l'adversité, n'avait pu engager cette illustre et respectable demoiselle à se relâcher de la rigueur de son costume. Elle aurait cru profaner le service de l'Église si elle y avait assisté autrement qu'en robe de satin ou de velours, qui, semblable aux anciennes cottes d'armes, aurait pu se tenir debout. Il y avait dans la tendre harmonie de la forme et des mouvements d'Éléonore un air de douceur et de soumission, dans son sourire une mélancolie pleine de grâce, dans son regard une supplication que nul cœur humain ne pouvait entendre sans y céder. Il n'y a plus qu'un mot à dire pour achever la description de la beauté d'Éléonore. Ce feu qui brillait dans ses yeux était un secret pour elle-même. Elle sentait, mais elle ne savait point ce qu'elle sentait. Elle se rappelait que lors de ses premières visites au château, son grand-père et sa tante, qui ne pouvaient oublier la basse extraction et les principes fanatiques de son père l'avaient traité avec assez de hauteur, tandis qu'au milieu de l'austère réserve que lui témoignait sa famille, son cousin John Sandal avait été le seul qui lui eût parlé avec tendresse et qui eût jeté sur elle un regard de compassion. Elle se rappelait aussi qui l'avait soulagé dans ses études et qui l'avait pris part à toutes ses récréations. John Sandal, qui était d'une figure charmante, avait voulu servir dans la marine. On l'avait en conséquence fait partir très jeune, et depuis ce temps, il n'avait point reparu au château. À la Restauration, l'influence de la famille de Mortimer, jointe à ses propres talents et à son courage, lui procurèrent un prompt avancement. Son importance augmenta dès lors aux yeux de la famille, où auparavant il n'avait été que toléré. Mademoiselle Anne Mortimer elle-même commença à témoigner le désir de recevoir des nouvelles de son brave neveu John. Quand elle parlait ainsi, les yeux d'Éléonore se fixaient sur les siens, avec un éclat inusité. Mais son cœur éprouvait en même temps une oppression dont elle ne pouvait se soulager qu'en se dérobant à la présence de sa tante pour pleurer. Ce sentiment ne tarda pas à acquérir une nouvelle force. La guerre avec la Hollande se déclara, et malgré sa jeunesse, le nom du capitaine John Sandal brilla parmi ceux des officiers destinés à ce mémorable service. Mademoiselle Anne, longtemps accoutumée à n'entendre prononcer les noms des membres de sa famille que réunis à des faits héroïques, éprouva de nouveau cette élévation de l'âme qu'elle avait ressentie jadis. Mais cette fois, accompagnée des présages les plus heureux. Quoique déjà d'un âge avancé, quand elle entendait raconter les détails de la valeur de son jeune parent, son pas redevenait ferme, sa taille se redressait et ses joues reprenaient quelques-unes des teintes de sa jeunesse. La généreuse Marguerite, partageant cet enthousiasme qui lui faisait oublier tout sentiment personnel quand il s'agissait de la gloire de sa famille et de son pays, entendait parler des périls de son cousin, dont elle ne gardait presque plus de souvenirs, avec une confiance hautaine qui lui disait qu'il les braverait comme elle les aurait bravés, si elle avait été comme lui le dernier descendant mâle de la famille de Mortimer. Éléonore tremblait et pleurait. Et quand elle était seule, elle priait avec ferveur. On remarqua, cependant, que l'intérêt respectueux avec lequel elle avait jusqu'alors prêté l'oreille indifféremment à tous les récits de Mademoiselle Anne n'était plus guère excité que par ceux où il était question des héros qui avait illustré la famille par des expéditions maritimes. La tante ne demandait pas mieux que de la satisfaire, et parmi les portraits de famille qui tapissaient la grande galerie, elle indiqua ceux dont les originaux avaient rencontré des aventures parfois prospères et parfois désastreuses, en cherchant à réaliser les bruits merveilleux répandus dans le public au sujet du monde nouvellement découvert. Un jour, elle racontait que l'un de ses oncles, après avoir accompagné Sir Walter Raleigh dans sa malheureuse expédition, était mort de chagrin en apprenant la triste destinée de ce navigateur. Quand Éléonore saisit le bras de sa tante et la supplia de cesser, elle lui demanda ensuite d'une voix altérée pardon de la liberté qu'elle venait de prendre, prétexta une indisposition et se retira dans sa chambre. Du moment où l'on reçut la nouvelle des entreprises de De Ruyter et de la sortie de la flotte sous les ordres du duc d'York, l'attente d'une augmentation de gloire pour la famille s'accrut dans le cœur de l'héritière et de Mademoiselle Anne, et la profonde et douloureuse émotion d'Éléonore s'augmenta. Enfin, un express envoyé par le roi Charles lui-même arriva au château de Mortimer. Il annonça que la victoire avait été complète et que le capitaine John Sandal s'était couvert d'honneur. Au plus fort du combat, il avait porté un message de Lord Sandwich au duc d'York. Les boulets sifflaient autour de lui et les plus anciens officiers avaient refusé la périlleuse commission. Quand le vaisseau amiral hollandais sauta, il s'était jeté au milieu d'explosions afin de sauver les malheureux qui luttaient à la fois contre les eaux et le feu. Bientôt après, il s'était élancé au-devant du boulet, qui, après avoir menacé les jours du duc, termina d'un coup ceux du comte de Falmouth. de Lord Muskerry et de M. Boyle. Puis, d'une main ferme, il essuya les habits du prince, tout couvert de sang, du sang de ses amis. « Mademoiselle Anne, s'écria, c'est un héros. » Éléonore dit tout bas, « c'est un chrétien. » Les détails d'un pareil événement formèrent une époque dans l'existence d'une famille retirée, héroïque et pleine d'imagination. La lettre écrite, de la main même du roi, fut lue et relue à plusieurs reprises. Elle fut le sujet des conversations pendant les repas, et celui des réflexions solitaires. Marguerite songeait à la valeur de son cousin. Parfois, elle se figurait qu'elle était témoin de l'explosion du vaisseau d'Obdam. Éléonore le voyait plongeant dans les flots brûlants pour sauver la vie de ses ennemis vaincus. À compter du jour de l'arrivée de cette lettre, il se fit un changement dans les manières d'Éléonore qui devint remarquable aux yeux de tout le monde, excepté aux siens.